La Bible David Martin 1855. Le livre de Michée le prophète. Michée chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Michée, Morazite, au temps de Jotham, Achaz et Ézéchia, roi de Juda, laquelle lui fut adressée dans une vision contre Samarie et Jérusalem. Vous tous, peuple, écoutez, et toi, terre, sois attentive, et que tout ce qui est en elle écoute, et que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur, dis-je, sortant du palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel s'en va sortir de son lieu, il descendra, et marchera sur les lieux hauts de la terre. Et les montagnes se fondront sous lui, et les vallées se fendront, elles seront comme de la cire devant le feu, et comme des eaux qui coulent en une descente. Tout ceci arrivera à cause du crime de Jacob, et à cause des péchés de la maison d'Israël. Or, quel est le crime de Jacob, n'est-ce pas Samarie? Et quels sont les hauts lieux de Juda, n'est-ce pas Jérusalem? C'est pourquoi je réduirai Samarie, comme en un monceau de pierres ramassées dans les champs où l'on veut planter des vignes, et je ferai rouler ces pierres dans la vallée, et je découvrirai ses fondements. Et toutes ses images taillées seront brisées, tous les salaires de sa prostitution seront brûlés au feu, et je mettrai tous ses faux dieux en désolation. Parce qu'elle les a entassés par le moyen du salaire de sa prostitution, ils serviront de salaire à une prostituée. C'est pourquoi je me plaindrai, et je hurlerai, je m'en irai dépouillé et nu, je ferai une lamentation comme celle des dragons, et je mènerai un deuil comme celui des chaluants. Car il n'y a pas une de ces plaies qui ne soit incurable, chacune d'elles est venue jusqu'en Juda, et l'ennemi est parvenu jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gath. Ne pleurez nullement, votre toit sur la poussière dans la maison d'Aphra. Habitante de Saphir, passe, ayant ta nudité toute découverte, l'habitante de Tsa n'en est point sortie pour la complainte de la maison d'Ezel, on apprendra de vous à se tenir dans la maison. Car l'habitante de Marotor a été dans l'angoisse pour son bien, parce que le mal est descendu de par l'Éternel sur la porte de Jérusalem. A-t-elle le cheval au chariot, habitante de Lachi? Toi qui es le commencement du péché de la fille de Sion, car en toi ont été trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi donne des présences à cause de Morozet de Gath, les maisons d'Axib mentiront au roi d'Israël. Je te ferai aussi venir un héritier, habitante de Maréza, et la gloire d'Israël viendra jusqu'à Adulam. Arrache tes cheveux, et te fais tondre à cause de tes fils qui font tes délices, arrache tout le poil de ton corps, comme un aigle qui mue. Car ils sont emmenés prisonniers loin de toi.